qu'il y ait du monde qui se connecte. Tac. Et ça, non, ça c'est la quoi ça? La blanche. La blanche. Parfait. Ça peut être un peu plus fort. C'est bon. Est-ce que tu peux descendre? Il y a Jérémy qui est en bas. Ouais. Si tu veux. Tiens, je te passe les clés. Il est où? Il est. Il doit être soit sur le côté ou devant là. Ouais. Yes, merci mon pote. Hola. Hola Colombia. ¿Qué tal? Johnny, what's up boy? Yes, yes, yes, yes. Come, come. La porte elle est ouverte là mec hein. Petit Bizet, par la Société des Ambianceurs. En la página, hola Manuel, en la página, música afro-caribe original. Yes, yes, yes, yes, yes. Let's go, let's go, let's go. Bébé Manga, Ami. Gracias, Dal. Gracias. Salud. Basilico le meilleur, la vie.

Carlos. Hola, hola, hola. Bobby. Yeah. très chaud. C'est pas. Jalousie n'a rien papa, réfléchis à maladie à l'imama. Papa et maman, jalousie n'a rien maman, mais vini si la nitoua n'a zato. Papa et maman, jalousie à l'imama. Jalousie, jalousie. Papa et maman, jalousie à Nzambe responsable ya mapasi nyonso wana nzele po yo. Hola Claudia, hola André. Hola Jairo. Gugayena tanga ni no bono, he abiago yufa. ko aonda ko aname nando ama ama ama smiles back to me. Drive the tears from your eyes. Get the thing alone. Tobolo, na parina musique afro caribé originale. Si seigneur. Bienvenue à todos. Musique afro caribé original. Orchestre Jojo. Este disco para Barranquilla o para Cartagena, no sé, no sé. Alberto, no sé, no sé. Gracias, gracias, William. Sí, Alfredo, sí, sí, sí. Thank you. Ola Orondo. Oh, Sala kana susi ya bolingo yo me mae Sheritaji wa bolingo sheritaji nanga wana banzo Pati te mashengo Mwa je te flate Bolingo yo me mae Wana ima banzo se na yore Ozala kana susi ya bolingo Susi ya bolingo Ozala kana susi ya bolingo yo me mae O bandiko kende oba iko tinda sangu na silate Banza bolingo yo me mae Bolingo yo me mae Wana ima banzo se na yore Ozala kana susi ya bolingo Susi ya bolingo Ozala kana susi ya bolingo Oba kiko kende oba iko tinda sango na kamilia Banza bolingo yo me mae Bolingo yo me mae Wana ima banzo se na yore Ozala kana susi ya bolingo Susi ya bolingo Ozala kana susi ya bolingo yo me mae Thank you. moya bomba dae na bina zoto na kai amama yambo na bina zoto na kai na moya makambo e imala is the worst plan. Para todos na página Música pro Caribe Original Oka.

Mateki Emila Skin. No exclusiva, no exclusiva. Este disco es para todos. Para todos, no exclusiva. Compliqué, compliqué, compliqué, mamá, compliqué. mama lele, mama, mama, mama lele, mama lele, mama, mama lele, zungu luke ngoye, mindono ehe, okini, zungu luke. Mokili zunguluke nana, mokilike hey. Mokili zunguluke mama, mokilike hey. Nana bokola kimwana yankoi, nabanza kinyau. Mokili zunguluke mama, mokilike hey. Nana bokola kimwana neya fombo, nabanza kimulu. Mokili. Le monde très compliqué, maman, c'est pas la peine. Yes, sir. You can check our channel on la Société des Ambianceurs. YouTube, la Société des Ambianceurs. Opération 84 Mbo Poloé. Oh, Well, that was the last track. The last track. Gracias para todos. Petit bisé para la Société des Ambianceurs. Musica for Caribbean Original. Thanks Johnny, thanks Manuel, Darwin, Rafa Atencia Escobar, Marquito Garcia, Carolai, Gigi Bosingua. Gracias para todos. Bon dia para todos. Salute.